Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette émission spéciale en compagnie de... Alors ça me fait mal de le dire, hein, mais notre spécialiste rugby, Corentin Mogg. Bonjour Corentin. Salut Tristan. Ce week-end, Ernest Vallon se plie en 7. Toulouse organise une étape du World Rugby 7 Series du 12 au 14 mai, la dernière de la saison pour les filles de l'équipe de France. Et à cette occasion, nous recevons Lily Dezou, jeune joueuse du Stade Toulousain et de l'équipe de France A7. Bonjour Lily. Bonjour. Merci beaucoup d'être présente avec nous aujourd'hui. Alors tu es arrivée avec le groupe France à Toulouse hier. Alors est-ce que tu as fait bon voyage ? Oui, on a pris l'avion. Bah, 1 heure d'avion, c'est pas très déplaisant, donc ça va. Ok, donc la majeure partie de la saison, tu joues à 15 au Stade Toulousain. Qu'est-ce que ça te fait ? Qu'est-ce que ça fait pour toi de porter le maillot de l'équipe de France pour la première fois dans ta ville, donc dans ton club, la ville de ton club à Toulouse ? C'est très spécial pour moi parce que c'est la première fois qu'on peut jouer avec l'équipe de France à Toulouse, enfin, personnellement. Ce sera la première fois que je jouerai sur un S-Ballon. Du coup, avec le maillot de l'équipe de France, ça va être un moment super spécial pour moi et du coup j'ai hâte. Bonjour Lily. Oui. Alors, je voulais te parler, moi, de la performance de l'équipe de France cette saison à 7. Là, vous êtes pour l'instant 4e au classement mondial. Oui. Pour l'instant, c'est moins bien que l'année dernière où vous aviez fini 2e. Comment est-ce que toi, tu juges la saison de l'équipe ? Est-ce que tu la trouves satisfaisante ou un peu décevante ? Ça a été une saison en dents de scie un peu. Parce qu'on était un tout nouveau groupe avec beaucoup de joueuses qui avaient fait très peu de tournois World Series avant. Donc il a fallu qu'on se trouve, il a fallu que le groupe trouve ses marques aussi. Il y a eu beaucoup de remises en question de la part des joueurs, du staff, de la façon dont on s'entraînait, dont on jouait, du groupe, de la vie de groupe. C'est une saison assez particulière parce qu'on a eu des contre-performances, mais aussi des bonnes performances, on a fait des podiums. Mais c'est vrai qu'il y a eu des déceptions, comme au dernier tournoi où on fait 5e, à Hamilton où on est passé à travers. Mais on sait que le groupe est capable de faire quand même des grandes choses. Ouais, tu le disais, il y a eu des très bonnes performances. On pense forcément à la finale perdue face aux All Blacks à Sydney. Il y en a eu des bonnes comme la semaine dernière, tu l'as dit. Là, c'est le dernier tournoi de l'année à Toulouse. Vous êtes à la maison. Vous n'avez pas tiré une poule facile hein, quand même cette semaine puisque vous avez donc l'Australie qui est 2e nation mondiale, l'Irlande qui vous a posé quelques problèmes cette année et puis le Brésil avec notamment Talia Costa qui est en feu cette année. C'est quoi les objectifs là, de l'équipe de France pour ce week-end ? Est-ce que le but est d'aller chercher le titre ? Le but, comme à tous les World Series, c'est d'aller chercher le titre, de faire la meilleure performance possible. Les Irlandaises, c'est vrai qu'elles nous ont posé des problèmes à certains tournois. Elles ont un jeu qui nous demande de nous adapter car c'est un jeu qui peut nous mettre en difficulté comme les Australiennes. Les Australiennes vont très vite, ont beaucoup d'appui. Nous, il faut qu'on soit capable de s'adapter. Mais encore une fois, on a fait des matchs contre elles, contre les Irlandaises qui ont été... très bon et très encourageant, ouais. Et les Australiennes aussi, franchement, on les aborde comme à tous les matchs, il faut les gagner, et pour ça, on fera tout pour le faire. Ouais, donc tu disais un objectif de victoire, parce que pour l'instant, c'est vrai que le palmarès de l'équipe de France, chez les filles en tout cas, est toujours vierge. Alors, il y a eu pas mal de finales, il y a eu des 3e places, mais il manque, on sent toujours ce petit quelque chose pour passer le cap, comment est-ce qu'on peut réussir justement à passer ce cap-là et aller chercher un titre dans une étape World Series ? Oui, comme vous l'avez dit, l'équipe de France n'a jamais eu de titre en World Series et on est en recherche constamment d'y arriver, mais on n'a pas, on s'entraîne tous les jours, on met le plus d'engagement possible, mais c'est vrai qu'il y a des nations qui dominent et qui, pour l'instant, ont beaucoup de mal. Ouais, dans ces deux nations-là qui dominent, forcément, il y a les Néo-Zélandaises qui sont les grandes favoris, forcément, de ce tournoi-là. Elles sont sur 6 victoires en 7 tournois, elles ont perdu. Il y a un seul tournoi qu'elles n'ont pas gagné, pour dire la stat assez impressionnante, elles ont fait 2e, donc elles sont sur une défaite cette année. Vous les avez joués 4 fois cette année pour 4 défaites. Cette semaine d'ailleurs, vous avez organisé un entraînement commun à Marcoussis. Vous avez fait donc 2 matchs, alors c'était des formats un peu spéciaux, mais 2 matchs d'entraînement face aux Black Ferns, dont un que vous avez gagné d'ailleurs. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour battre ce qui semble quand même être une machine à tout écraser en compétition? Pour battre les Blacks, il faut savoir qu'elles jouent leur 1 contre 1 et avec les individualités, elles gagnent souvent leur 1 contre 1, mais nous, notre but, c'est de les jouer aussi, de les aborder comme si c'était une équipe normale, entre guillemets, ouais. Et de ne pas avoir, en plus de leur niveau, une appréhension du fait que ce soit les Blacks qui jouent sur beaucoup de mental et beaucoup d'équipes. Donc nous, pour les battre, il faut les jouer et il faut pas avoir de complexe d'infériorité. Donc nous, notre but, c'est de les jouer, de jouer nos 1 contre 1, de croire en nous, de croire qu'on peut les gagner. Et voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que avoir une série comme ça face aux Néo-Zélandaises, est-ce que justement ça développe inconsciemment un moment où on se dit en fait on rentre mais on est quasiment sûr de se faire battre quoi. C'est sûr, mais il faut que cet aspect-là, il faut qu'on le balaye parce que là, déjà qu'elles sont favorites sur le terrain, c'est en plus dans nos têtes, en plus qu'on peut pas les battre, ça n'arrivera jamais. On vient de parler de Toulouse et du tournoi à venir ce week-end, mais il y a une autre échéance qui est ultra importante, qui se rapproche de plus en plus, forcément c'est les Jeux Olympiques de Paris, donc ils auront lieu dans un peu plus d'un an. Est-ce que c'est un événement auquel vous pensez déjà au sein de l'équipe de France? Est-ce que vous en parlez ensemble? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà en tête? Oui, les Jeux sont dans les têtes de toutes les filles depuis le début de la saison. À la fin de chaque tournoi, on se rappelle que les JO, c'est dans moins d'un an, dans moins de 2 ans, qu'on doit être prête, que c'est à la maison. Donc on donne tous les jours à l'entraînement à long terme pour les JO. Et c'est l'événement majeur du Seven. Et le rêve de toutes les filles, c'est une médaille d'or olympique. Donc forcément, on s'y prépare. Et toi, tu as donc 18 ans, c'est ta première saison complète en Seven. T'as pas participé à l'événement 2021 au JO. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les Jeux Olympiques? Qu'est-ce que ça a de plus, en fait, les Jeux Olympiques, qu'une simple étape de World Series ou qu'une étape de Coupe du Monde? Nous, ce qu'on se dit entre nous, c'est qu'on joue chaque étape, chaque match, comme si c'était une finale des Jeux. Okay. Et chaque joueuse, dans sa tête, se l'applique. Mais les JO, en particulier, c'est le rêve de tout athlète, tout sport confondu. C'est la réunion de tous les plus grands sportifs du monde, les JO, c'est vraiment le rêve de tous les sportifs et le fait que le Seven soit une discipline olympique déjà depuis 2016. Je vais pas dire de bêtises, mais depuis 2016, ouais. Ouais, depuis 2016, ça a changé pas mal de choses dans le rugby à 7, ça lui a donné une importance. Et non, franchement, c'est le rêve de tous les sportifs. Et alors, en 2021, du coup, l'équipe de France, en tout cas, avait fait une campagne quand même assez exceptionnelle. Elle avait perdu, évidemment, en finale face aux Néo-Zélandaises. Vous jouez en France en plus, donc vous sortez de cette grosse performance. Est-ce que ça rajoute pas une pression supplémentaire pour les Jeux de 2024? Forcément que ça rajoute une pression, mais une motivation aussi en plus. C'est à la maison, donc on a vraiment envie de montrer encore plus ce qu'on est capable de faire et on a envie de rapporter une médaille à la France à Paris. Donc forcément, le fait que ce soit en France, ça rajoute de la valeur. Ok. On a vu que Caroline Drouin, par exemple, demi d'ouverture donc de l'équipe de France, notamment lors de la dernière Coupe du Monde, avait décidé de privilégier l'équipe à 7 là, par rapport à l'équipe de France à 15 pour le tournoi notamment. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu peux envisager de te dire on va privilégier le 7 vraiment avec l'objectif JO par rapport au 15? Déjà, moi je suis pas appelé en équipe de France à 15, vu ta courbe, peut-être qu'on imagine que tu peux peut-être être appelé dans le futur. Oui, moi c'est vrai que là j'ai fait les U20 cette année, France U20. Et je me retrouve plus avec le 7 parce que il y a un plan de jeu qu'on s'est qu'on fait attribuer depuis le début de l'année, qu'on profile, qu'en fait on doit respecter et je m'y retrouve plus parce que je prends plus de plaisir à fête. Avec les 20, c'est une super bonne expérience, mais c'est différent, il y a moins d'espace, il y a plus de joueuses. Donc oui, moi, si je dois choisir actuellement, ça serait plus vers le fait. Même en club, je joue pas à 15 parce que je suis tout le temps avec l'équipe de France à 7, donc oui, c'est une priorité le fait. Ces jeux, justement, ils vont permettre aussi de mettre en valeur ce sport, le rugby à 7, qui est un sport qui monte en puissance, mais qui reste quand même un petit peu méconnu, notamment en France. Chez les hommes, on sait que certains joueurs se consacrent à 100% au 7 et ils jouent sous un contrat qui est signé par la fédération. Mais pour les filles, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a le même fonctionnement? Les filles, beaucoup de joueuses, à part du coup nous les jeunes qui sont arrivés cette année, elles sont sous contrat à 7. Elles sont rémunérées tous les mois par la fédération française. Et certaines ont des clubs où elles y sont souvent ou pas souvent. Certaines ont fait 0 match en club, d'autres on en fait quelques-uns. Mais c'est vrai que le 7 ne permet pas de rentrer tous les week-ends pour jouer parce que y a la fatigue de la semaine, il y a les trajets qui peuvent être aussi épuisants et le fait de renchaîner avec une semaine après de jouer en club, c'est une difficulté parce que les calendriers des clubs ne correspondent pas forcément avec celui du 7. Mais oui, les filles du 7 sont rémunérées par la fédération et après elles peuvent toucher aussi un fixe par certains clubs, mais pas tous les clubs. Et toi, du coup, par exemple, tu as les deux contrats, tu as un contrat avec le Stade Toulousain et un contrat avec la Fédé? Pas du tout. Avec la fédération, là, j'ai pas encore de contrat. Et avec le Stade Toulousain non plus. Ok. On est payé à la sélection, quoi. T'as fait l'expérience du coup de l'équipe de France U20 à 15. Est-ce que ça t'apporte quelque chose à 7 d'avoir eu justement de pouvoir jouer à haut niveau à 15? Oui, parce que forcément je joue avec des filles de ma génération, de mon âge. Donc j'ai aussi vu le travail aussi qui est fait derrière par les filles de mon âge qui me poussent à m'entraîner toujours plus dur pour rester dans cette équipe de France à 7. Et vu que après c'est des expériences aussi humaines, avec les 20, j'ai peut-être un peu plus relâché une certaine pression et plus profiter autant que profiter à 7, mais c'est différent. Et pour finir cette interview-là, d'un point de vue personnel, toi en circuit à 7 cette année, tu es à 30 matchs, 11 essais marqués. Tu fais partie des meilleures marqueuses d'essais françaises. Comment tu juges ta première grosse saison? À l'image de l'équipe, pour moi, j'ai une saison personnelle un peu en dentille. J'ai des tournois où c'est un peu en dedans, plus au début de l'année. Parce que j'arrivais dans le groupe, je n'avais pas non plus exactement les attentes, le niveau. Enfin, je découvrais, j'ai une période aussi des découvertes du coup du niveau et des attentes. Et sur la fin de saison, j'ai pu un peu plus me lâcher, un peu plus pour m'exprimer sur le terrain et prendre confiance. Et on se connaît de plus en plus avec l'équipe. Et du coup, chaque fille, on peut sortir son meilleur tournoi vers la fin de saison. Je pense que c'est plus encourageant que début. Bon, du coup, tu vas arriver en pleine forme à Toulouse. J'espère continuer sur cette lancée. Mais écoute, merci beaucoup Lily pour le temps que tu nous as accordé et pour tes réponses. On va te souhaiter bonne chance pour le tournoi ce week-end et bonne chance pour des potentiels Jeux Olympiques, on l'a dit, dans un peu plus d'un an. Quant à nous, on se retrouve en direct d'Ernest Vallon ce week-end pour vous faire vivre le tournoi avec Corentin Mogue, un week-end qui s'annonce intensif. À bientôt.